France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un boxeur noir américain, Robin Carter, condamné à tort en 1967 par une justice raciste. Une histoire dont vous avez certainement entendu l'écho dans une célèbre chanson de Bob Dylan, sortie en 1975, Hurricane. Oui, c'est bien le boxeur américain qu'évoque très directement le chanteur. Né dans une famille modeste du New Jersey en 1937, homme noir, il a très vite affaire avec la justice. Centre fermé pour mineurs, armée, prison. À 24 ans, il a déjà connu tout ça. Mais ce qui l'anime et le remet dans le droit chemin, c'est la boxe. Il connaît un début de carrière fulgurant jusqu'à devenir prétendant au titre de champion du monde. Mais le 24 mai 1967, il est condamné pour un triple meurtre qu'il n'a pas commis. Alors il clame son innocence, écrit son autobiographie en prison et des personnalités se mettent à le défendre. Hurricane, he cannot be the champion of the world. Plus de 10 fois, Dylan répète ses paroles, comme un cri contre l'une des erreurs les plus retentissantes de l'histoire judiciaire américaine. Notre invité aujourd'hui est Jean-Philippe Lustig, journaliste sportif, spécialiste de la boxe et auteur de l'ouvrage de référence, c'est bien de le dire, Le Grand Livre de la Boxe, publié en 2019 chez Marabout, un gros livre, 2 kilos. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Mora, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Décembre 1963, Pittsburgh, Pennsylvanie, Civic Arena. Sur le ring ce soir, deux boxeurs s'affrontent pour le grand combat de la semaine. D'un côté, Emil Griffith, champion du monde des poids welter, de l'autre, Robin Carter, surnommé Hurricane, l'ouragan, pour son style très agressif et la puissance de ses coups. Pro depuis 2 ans seulement, Carter impressionne les foules par ses combats où il met souvent ses adversaires KO dès les premières rondes. Dans la salle ce soir-là, pourtant, il n'y a pas foule. Il fait moins 20 dehors, les amateurs de boxe ont préféré rester au chaud pour regarder le combat à la télé. Griffith, qui n'a jamais été mis KO, est le grand favori. Très agile, il se déplace efficacement, c'est tout l'opposé de Carter. En vérité, le combat a commencé quelques jours plus tôt sur un plateau de télé quand les deux boxeurs se sont lancés dans une joute verbale avec des propos très borderline de la part de Robin Carter, qui n'hésite pas à les retranscrire dans son autobiographie intitulée « Le 16e round », publiée en 1974. C'est Griffith qui parle en premier dans cet extrait. « Je n'ai jamais été mis KO. Mais si t'arrêtes pas de débiter ton blabla, monsieur le vilain Rubin Hurricane Carter, je te transforme en courant d'air. Et en prime, je te mets KO. » « Rien que si tu oses te présenter dans l'arène demain soir, ça devrait suffire à me mettre KO. » Je devrais me lâcher et te tomber dessus ici même? Tu dégoisses comme un champion, mais tu te bats comme une femme qui, au fond d'elle-même, rêve de se faire violer. Retour sur le ring, le vrai. Dès le début du combat, Robin Carter lance d'entrée son jab en direct ou indirect du bras sur la bouche de Griffith qui réplique « Il n'y a pas de round d'observation ». Fidèle à sa réputation, Hurricane décoche un crochet du gauche qui envoie son adversaire à terre. La foule crie, l'arbitre compte, 1, 2, 3, le champion du monde se relève et Hurricane fonce sur lui en furie, crochet du gauche dans le ventre, droite dans la tête, déluge de coups dévastateurs. Quelques secondes plus tard, Griffith s'écroule dans les cordes. Nouveau décompte. Le boxeur se relève, mais l'arbitre préfère arrêter le combat. Il aura fallu 2 minutes et 13 secondes à Carter pour mettre KO son adversaire du soir, qui pour autant ne perd pas sa couronne de champion du monde, eu égard aux règles de la boxe, parfois un peu compliquées. En tout cas, la foule l'ovationne et lui savoure. Il a 26 ans, Hurricane, tout lui sourit, il est marié, il sera papa dans 2 mois et peut bientôt être champion du monde. Et pourtant, Robin revient de loin. De très loin. Yesterday, December 7th, 1941, The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Hiver 1942, les États-Unis viennent d'entrer en guerre après l'attaque de Pearl Harbor. Ruben a 5 ans. Il habite dans le petit immeuble occupé par 4 familles à Passaic, 25 km de New York. Souvent, le soir, les quartiers sont rassemblés près du poêle à charbon. On se réchauffe et on écoute les histoires du père, Lloyd. Il raconte à ses 5 enfants son enfance passée en Géorgie, dans le sud raciste du pays. Ruben se souvient. Il nous parlait des blancs mâcheurs de tabac, dont le passe-temps favori consistait à goudronner des nègres, à pendre des nègres, en un mot à tuer des personnes noires, pour le principe. Pour alimenter le poêle, les 3 garçons de la famille ont pour mission d'aller chercher le charbon au sous-sol. Un jour, Jimmy, le grand frère de Ruben, Jimmy Carter donc, comme l'autre, surprend le fils d'une voisine voler le charbon de sa famille. Ce gamin, surnommé Bulldog, lui fait peur. Mais pas le choix, Jimmy doit se défendre. Sinon, que dira son père ? Résultat, il se prend une raclée. Il remonte dans l'appartement en pleurs, le nez en sang. Son frère Ruben n'accepte pas. Alors qu'il est tout petit, il se rue au sous-sol, se jette sur le voleur et la somme de ses poings. C'est un coup de foudre, la bagarre. Quel plaisir, se dit Ruben. Le soir, fier d'avoir défendu l'honneur de Carter, il attend que son père le remercie. Mais la mère du voleur est venue se plaindre du petit Ruben qui a frappé son fils. Le père, qui croit plus les adultes que les enfants, le corrige à sa manière. Mais quand j'ai pénétré dans la cuisine, mon père m'a saisi par le cou avec une inhabituelle brusquerie. Il a bloqué ma tête entre ses genoux, a baissé mon pantalon de pyjama et m'a cinglé le cul avec le cordon du fer à repasser. J'ai sursauté, trépidé, gesticulé, bredouillé, cherchant désespérément à comprendre ce que j'avais fait de mal. Mais mes efforts et mes larmes sont restés vains. Je n'arrivais pas à parler. Le grave défaut d'élocution dont je souffrais à l'époque m'empêchait de prononcer distinctement 3 mots qui puissent avoir le moindre sens, sinon pour moi. Patterson, 35 km de New York. Nous sommes en 1946. La guerre est terminée. Les Carter déménagent dans une maison, mais ne roulent toujours pas sur l'or. Les 3 garçons, Lloyd Jr., 14 ans, Jimmy, 10 ans, et Ruben, 8 ans, livrent de la glace dans le quartier pour rapporter un peu d'argent. À Patterson, chaque quartier a son gang, et chaque gang a son chef. À 10 ans, Ruben devient le conseiller de guerre de son clan, les Apaches. Ruben, lui, bégaye, donc forcément, il n'aime pas parler. Il s'exprime bien mieux avec les poings, et il le fait bien. Juin 1948, la chaleur est étouffante ce jour-là. Ruben et son gang, les Apaches, décident de partir aux Tubes, un endroit où on peut se baigner pour se rafraîchir. Arrivés sur place, les autres gangs de la ville sont là. Les Cherokees, les Optimistes, les Gaillards, les Mohawks, les Hors-la-Loi. Mais pas de danger, c'est zone neutre. On ne se bat pas aux Tubes. On discute même, on se charrie, on plaisante. Après une journée de baignade, Ruben se rhabille et s'apprête à partir. Et un de ses amis lui lance « Regarde ce clodo allongé dans l'herbe. Mon vieux, ce mec est complètement fracassé. » Ruben se retourne. Cet homme blanc n'est ni clodo ni bourré. Mais selon Ruben, il est très intéressé par les jeunes garçons. Pour les appâter, il tend vers eux sa montre en or. « Vous voulez voir quelque chose ? N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. » La bande tente de s'enfuir. L'homme saisit alors l'un des garçons et commence à tripoter sa ceinture. Le jeune homme se débat, l'homme le plaque à terre. Ruben saisit alors une bouteille en verre et la jette sur l'agresseur. Il est en sang, à terre, mais il se relève très vite, attrape Ruben et s'approche de la falaise. Ruben se débat, sort un couteau de sa poche, poignarde son adversaire à plusieurs reprises et s'échappe. Il le poignarde, mais il ne le tue pas. Voilà la version que raconte Ruben au policier quelques jours plus tard. Il s'est tout simplement défendu d'un pédophile. Mais comme une seconde nature, avec la ferme conviction qu'on leur ment, les flics pensent à une agression. La suite est mise en scène dans le film Hurricane Carter, réalisé par Norman Jewison en 1999. Nous savons que tu étais près de la cascade la semaine dernière et nous savons ce qui s'est passé. Alors tu vas avouer, espèce de petit salopard. Tu vas parler, je te le promets, quand j'en aurai fini avec toi, espèce de sale nègre. Ralph, Ralph. Ruben Carter. Tu es une menace pour la société. Et si nous n'intervenons pas rapidement, tu vas devenir un dangereux criminel dès l'âge adulte. J'aurais voulu que tu sois plus vieux, je t'aurais envoyé dans nos prisons. Par conséquent, tu es condamné à entrer dans une maison de correction à partir de ce jour jusqu'à l'âge de 21 ans. Exécution immédiate. C'est ça, fait. À 11 ans seulement, le jeune Rubin est condamné à passer 10 ans dans le centre fermé pour mineurs de Jamesburg, dans le New Jersey. Ici, la ségrégation raciale règne en maître et la seule loi qui prime est celle du plus fort. Rubin écrit : des gosses de 8 ans y devenaient la proie de tueurs et de violeurs qui en avaient 15. Après 30 jours passés dans le bâtiment d'accueil, Rubin est affecté au cottage numéro 8. Chaque unité est dirigée par deux sergents de ligne, eux-mêmes détenus comme des capots. Dès son premier jour, Rubin met une raclée au chef qui sème la terreur dans tout le bâtiment. Le soir même, avec un autre détenu, il se bat de nouveau contre le même chef et toute sa bande. La bagarre, toujours et encore. Voilà pour le premier jour. Et pour la suite, Rubin écrit : à la fin de chaque journée, j'étais physiquement et mentalement épuisé, mais heureux d'en voir le bout, d'être encore vivant et de ne pas arriver à tuer quelqu'un pour jouir de ce privilège. ...1954. Après 6 ans passés à Jamesburg, Rubin s'évade. Sans perspective, il ment sur son identité et s'engage dans l'armée américaine pas très regardante. Et pour changer, dès les premiers jours, il se bat contre son sergent et manque de passer devant une cour martiale. Affecté dans une base en Allemagne, il fait 2 découvertes fondamentales, l'islam et la boxe. Frappé par la rencontre d'un autre soldat qui lui parle de libération du peuple noir américain, Rubin devient musulman et suit des cours du soir. Quant à la boxe, c'est une autre histoire. Un soir, avant sa conversion, il rentre un peu éméché, fait un crochet par le gymnase où s'exerce le club de boxe de l'armée. Un crochet, déjà, pour ce futur boxeur. Car en voyant les hommes combattre, il lance « Mais je pourrais tous les battre ». L'entraîneur le prend au mot et lui donne rendez-vous le lendemain. Il décide de le faire affronter Nelson Glenn, double champion de l'armée dans la catégorie poids lourd. Autant dire que Rubin, beaucoup plus léger et sans expérience, n'a aucune chance. Et pourtant, après quelques fulgurants crochets du gauche, Carter met KO son adversaire. La foule exulte, il intègre directement le club de l'armée. C'est à cet instant de ma vie, après avoir recherché le conflit pendant tant d'années, que j'ai enfin su exactement pourquoi j'étais fait. La boxe, le combat de rue, la baston entre garnements, la boxe m'ont valu tous mes moments de grâce. Ensuite, je n'ai plus vécu que pour la boxe. La boxe est devenue l'alpha et l'oméga de ma vie. En dehors d'elle, rien n'avait beaucoup de sens à mes yeux. Je me suis rapidement constitué de solides adeptes et une belle réputation grâce au style expéditif de mes KO. J'ai aligné 20 combats, une seule défaite, 16 KO à mon actif. Et je ne cessais de m'améliorer. J'étais content de moi. Juin 1956, port de New York. Rubin Carter, 21 ans. Il revient d'Allemagne avec $570 en poche, gagné aux cartes contre d'autres soldats pendant la traversée. Il transporte aussi dans ses bagages un double titre de champion d'Europe de boxe catégorie super léger. On lui propose de participer aux épreuves qualificatives pour les JO. Il refuse. Parce qu'il faudrait qu'il se réengage dans l'armée, et ça c'est hors de question. Quand il revient à Patterson, après les retrouvailles avec sa famille, il cherche à se poser. Il est désormais musulman, on l'a dit. Il a rencontré une jeune fille et il s'est trouvé un boulot de conducteur de semi-remorque dans une usine à papier du coin. ...4 juillet, fête nationale aux États-Unis. Rubin et sa petite amie Regina s'apprêtent à partir célébrer l'événement à Atlantic City. Mais soudain, à la porte de l'appartement, on frappe vigoureusement. « Police, vous êtes en état d'arrestation. Direction la prison. » Parce que la justice n'a pas oublié son évasion du centre fermé pour jeunes adolescents. Et de nouveau, c'est la bagarre. Rubin refuse de porter l'uniforme de prisonnier. Après 10 mois toutefois, il est libéré. 1er juillet 1957, Rubin retrouve un ami d'enfance rencontré au centre de correction. Ce soir-là, après avoir bu et bien rigolé, Rubin bascule une nouvelle fois dans la délinquance. Il vole le sac à main d'une femme, il s'enfuit en courant, son ami le suit, retour en prison. Mais cette fois, il prend de bonnes résolutions. Plus question d'entrer dans les embrouilles. Il ne parle plus qu'à quelques détenus, comme son vieux voisin de cellule, qui devient son ami. Et il ne pense plus qu'à la boxe. Chaque matin, avant la sonnerie, il fait 5000 pompes par série de 100. Il saute à corde, court des kilomètres dans la cour et boxe dans le vide devant une glace. Le reste du temps, il lit Freud, Jung et Machiavel. Discipline est devenue son maître mot. Mais il ne se sent pas prêt pour affronter les boxeurs de la prison. Un jour, le champion poids lourd s'en prend à son voisin de cellule. Rubin ne peut pas s'en empêcher et il lui met une raclée. Le prisonnier agressé, humilié dans la cour, se suicide le soir même. Un choc pour Rubin qui sent la mort rôder partout. Et il sait qu'elle est là, pas loin, la chaise électrique, procédé de mise à mort d'une barbarie absolue. Il demande à un gardien de visiter le couloir de la mort. Arrivé devant la chaise, il l'imagine parler, cette chaise. « Tous les durs dans ton genre, j'ai fini par les avoir. Je les ai eus, n'est-ce pas? Et toi, mon grand, je parie que je t'aurai aussi. » Rubin écrit « Alors j'ai sorti mon engin et j'ai aspergé de pisse ce monstre poisseux. » Arrive enfin le jour de la libération. Récit dans cet extrait du film Hurricane Carter, incarné par Denzel Washington. Le 21 septembre 1961, je fus libéré et je fis le serment sur tout ce qu'il y avait de plus sacré, de ne jamais retourner en prison. J'avais presque passé la moitié de mon temps sur cette terre, en prison. Rubin, alors 24 ans. Il est libre, mais fauché. $10 dans la poche, pas un de plus. Alors, pour être sûr de ne jamais retourner en prison, il décide de s'installer juste en face, à Trenton. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune perspective de boulot, ici. Reste la boxe, bien sûr, mais il est un peu vieux pour commencer une carrière professionnelle. Mais un homme croit en lui, et il l'emmène sans le prévenir pour disputer son premier combat. Devant le fait accompli, Rubin ne se débine pas, pas son genre. On lui trouve en toute vitesse à l'équipement glané par-ci par-là, chaussures rouges, maillot violet, chaussettes vertes, peignoir bleu et une liasse de papier toilette tassée entre ses lèvres en guise de protège-dents. Au terme d'un combat acharné, Rubin remporte son premier combat pro. Et tout le monde dit « Mais c'est pas possible, ce gars était déjà professionnel, il combat sous une fausse identité. » Un an après sa sortie de prison, il a infligé 10 KO en 14 combats. Avec son crâne rasé, sa moustache et son style agressif, il a gagné un surnom, Hurricane, l'ouragan qui terrasse ses adversaires dès les premières rondes. Et en décembre 63, comme nous l'avons raconté dans la scène d'intro, il met KO le champion du monde, Emil Griffith. 1964, tout sourit à Rubin, marié et désormais papa. L'argent coule à flot, il est prétendant au titre mondial. Cette même année, des émeutes éclatent à New York dans le quartier de Harlem suite au meurtre d'un jeune afro-américain de 15 ans par un policier blanc. Robin Carter, très sensible à la question du racisme et sympathisant actif du mouvement pour les droits civiques, se confie à un journaliste du Saturday Evening Post. Il déclare que la population noire doit se protéger contre l'invasion tyrannique des quartiers noirs par des flics blancs. Dans cette même interview, il se fend, comme il le dit lui-même, d'une plaisanterie, mais qui va lui coûter très cher. La scène est jouée dans le film Hurricane Carter. Si vous vous sentez concerné par ça, Hurricane, pourquoi vous êtes ici, en train de boire, au lieu d'aller les aider? Je bois un soda, c'est pas de l'alcool, soit dit en passant, et c'est parce que vous l'avez demandé que je suis ici. Mais vous avez raison, je devrais aller leur donner un coup de main. Je devrais prendre mon revolver et partir à la recherche d'une demi-douzaine de flics à buter. Les nègres détestent les flics, non? Qu'est-ce que t'en dis, Bucky? Je suis sûr que je peux en avoir au moins 5 avant qu'ils m'attrapent. Vous allez effacer cette remarque, ok? Les propos publiés dans la presse sont dévastateurs. Dès l'apparition, la légende de la boxe Sugar Ray Robinson appelle Rubin et lui lance « Enfin, Hurricane, c'est Ray au téléphone. Dis donc, tu cherches à te faire descendre ou quoi? Est-ce que tu te rends compte du contenu de cet article ?» Carter comprend que le journaliste l'a trahi et que les policiers et le FBI vont lui faire payer très cher ses déclarations. « just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes, it will. France Inter, affaires sensibles. Aujourd'hui, le cas Hurricane Carter. Philadelphie, 14 décembre 1964. C'est le grand jour pour Hurricane. Ce soir-là, il affronte le champion du monde des poids moyens, Joey Giardello. C'est une rencontre exceptionnelle, en 15 rounds. Devant 6000 spectateurs, les deux boxeurs livrent un combat sans pitié, mais sans erreur. Aucun des deux n'arrive à mettre l'autre KO. À la fin du 15e round, les deux pensent avoir gagné. L'arbitre annonce le vainqueur. Referee Bob Polis, Giardello, 72, Reuben Carter, 66. Les juges sont unanimes, Giardello reste champion du monde. Dégoûté, Carter, mais beau joueur, il accepte la défaite. Il aura d'autres occasions de briller sur le ring. Mais l'année 1965 ne sera pas non plus celle du titre suprême. Souvent sur les routes et sur les rings, il voit peu sa femme et sa fille. Il perd 4 combats contre des concurrents directs pour le championnat du monde. Le 20 mai de cette année-là, au Madison Square Garden de New York, il perd contre le boxeur nigérian Dick Tiger. Rubin écrit dans son livre « 3 fois, je me suis retrouvé étalé par terre au cours de la pire branlée que j'ai prise dans ma vie. » Mais c'est le 17 juin 1966, à Paterson, dans le New Jersey, au Lafayette Bar, que tout bascule. Vers 2h30 du matin, deux hommes pénètrent dans l'établissement et tirent plusieurs coups de feu. Le patron et deux employés sont tués, tous des blancs. Et un homme est grièvement blessé. Très vite, les policiers ont un signalement. Les tueurs seraient deux hommes noirs qui se sont enfuis dans une voiture blanche. Ce soir-là, Reuben Carter est sorti, mais dans un autre bar de la ville. Vers 2h30 du matin, il quitte l'établissement en compagnie d'un jeune qu'il connaît, John Artis. Pour lui faire plaisir, il lui laisse le volant de sa voiture et après quelques minutes, les deux hommes sont arrêtés par une patrouille de police. Robin Carter raconte la suite dans son autobiographie. Il était environ 3h du matin ce 17 juin 1966, lorsque la ville de Paterson, New Jersey, fut subitement arrachée à sa torpeur nocturne par la clameur émanant d'une cohorte de blancs en colère, attroupée devant un vieux grill délabré. Cette foule en furie bousculait le cordon des policiers qui avaient encerclé le bouge et tentait d'apercevoir les quatre corps criblés de balles et ensanglantés, étendus au sol à l'intérieur. « Sors de la voiture !» éructa un flic à tête de taureau en ouvrant la portière. « Mets-toi là, contre le mur, et pas un geste avant que je te le dise !» À ce stade, la situation sentait déjà mauvais. Mais sortir de cette voiture serait de loin, je le savais, la pire chose à faire. « Pourquoi diable vous nous avez amenés ici ?» ai-je demandé. Alors j'ai vu le truc venir. Soudain, tout est devenu limpide. Carter comprend très vite qu'on veut lui faire mettre cette tuerie sur le dos. On l'emmène à l'hôpital, où la quatrième victime est opérée. Les policiers pénètrent dans le bloc opératoire. Les médecins et les infirmiers sont stupéfaits. L'un des flics s'adresse à l'homme qui est entre la vie et la mort. En lui montrant Carter et Artiste, il demande « Ces deux hommes sont-ils ceux qui vous ont tiré dessus ?» L'homme, qui ne peut pas parler, hoche la tête pour nier. Alors le policier insiste « Enfin, monsieur, êtes-vous certain que ce ne sont pas ces hommes-là » Carter éclate de colère et lance au policier « Sale enfoiré !» Il sait que la police cherche par tous les moyens à lui faire endosser les meurtres. Au commissariat, Carter et Artis passent au détecteur de mensonges, puis sont finalement laissés libres. Voilà. Tout cela n'aurait pu être qu'une mésaventure de plus pour Carter. Mais le 14 octobre, 4 mois plus tard, lui et Artis sont arrêtés et inculpés pour le triple meurtre. Il se trouve que deux truands qui faisaient un cambriolage le soir de la tuerie juste à côté du bar les ont reconnus. Forcément, ils mentent. Et le pire, et c'est étonnant de la part d'une police raciste. C'est bien elle qui les incite à mentir, la police. Robin Carter, qui s'était promis de ne plus remettre les pieds en prison, est de retour entre quatre murs, et le cauchemar recommence. 26 mai 67, tribunal du New Jersey. Après 2 semaines et demie de procès, c'est l'heure du verdict. Il n'y a pas de preuve de la culpabilité de Robin Carter et de John Artis. Mais il y a les faux témoignages des deux repris de justice. Leurs noms, Alfred Bello et Arthur Dexter Bradley. Dans sa chanson Hurricane, Bob Dylan dit « Toutes les cartes de Robin étaient truquées d'avance, le procès était un vrai cirque, il n'a jamais eu la moindre chance. » C'est donc sans surprise, après seulement 1 heure et demie de délibération, que tombe le verdict, sans nuance et sans pitié. Robin Carter, John Artis. En ce qui concerne le meurtre de James Oliver, vous êtes reconnu coupable. Votre sentence est l'emprisonnement à vie. Non ! En ce qui concerne le meurtre de Fred Nayax, vous êtes reconnu coupable et subirez la peine d'emprisonnement à vie également. En ce qui concerne le meurtre de Hazel Tanis, vous êtes reconnu coupable à l'unanimité, alors vous subirez une peine d'emprisonnement à vie. Cela m'a seulement montré que leurs doutes persistaient. S'ils nous avaient vraiment cru coupables de triple meurtre, pourquoi diable se seraient-ils sentis obligés de nous laisser la vie ? Et quelle vie ? Une vie de maltraitance à perpétuité ? Il aurait été plus charitable de m'abattre sur le champ. Clémence, mon cul. J'aurais préféré qu'on me pende aux poutres de la salle d'audience plutôt que de les voir revenir avec leur connerie de Clémence. C'était une imposture, et il faudrait le faire savoir. De retour en prison, malgré l'horreur qui tombe sur lui, Carter ne se laisse pas abattre. Il étudie le droit pour décortiquer son dossier et obtenir, peut-être un jour, un second procès. Et puis il écrit chaque jour l'histoire de sa vie qui est publiée en 1974 sous le titre « Le 16e round ». Ce livre, il l'envoie à Bob Dylan, qui accepte de le rencontrer à la prison de Trenton. Les deux hommes passent la journée ensemble et ils ont la même philosophie. Le boxeur raconte sa rencontre avec le chanteur dans le documentaire Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story, réalisé par Martin Scorsese en 2019. Dylan était différent de mes autres visiteurs. Les autres me posaient les questions évidentes. Rubin, tu es coupable ? Tu as commis ce crime ? Tu l'as fait ? Dylan posez pas ce genre de questions. C'est comme s'il cherchait autre chose. Nous étions tous les deux des interprètes que le public adorait. Moi, avec mon crochet gauche dangereux dont les parents ont grandi dans le sud de la ségrégation, et Dylan, ce troubadour. Suite à cette rencontre, Bob Dylan se lance dans l'écriture d'une chanson. Pour l'artiste, c'est un retour au protest song de son début de carrière. En 8 minutes et 33 secondes, il raconte toute l'histoire de Hurricane. Mais son manager lui déconseille de sortir cette chanson. Il risque un procès pour diffamation, ce qui est une bonne chose en principe pour un artiste ou un journaliste. Ça veut dire qu'il dérange, qu'il est utile. Oui, encore faut-il ne pas faire d'erreur. Et là, Dylan traite l'un des deux témoins clés de l'affaire, Arthur Bradley, de dépouilleur de cadavres. Une autre version sera donc enregistrée et Hurricane devient un tube de l'année 75. Bob Dylan vient même la chanter en prison devant Robin Carter et ses co-détenus. Et l'artiste ne s'arrête pas là. Il décide d'organiser la Nuit de l'Ouragan, un concert de soutien à Robin Carter. 12 août 1975, Madison Square Garden de New York, la même où Carter a signé ses plus belles victoires de boxe. Parmi les personnalités présentes, il y a un autre boxeur, justement l'un des plus grands de tous les temps, Mohamed Ali. Le poids lourd, qui a fait son retour un an plus tôt lors d'un combat mémorable contre Foreman à Kinshasa, prend la parole. Je suis heureux. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les acclamations, les applaudissements et que Dieu vous bénisse tous. Mais comme vous le savez, nous sommes ici pour soutenir un de mes amis boxeurs qui a été injustement emprisonné pendant 9 ans de sa vie. Robin parle au public par téléphone et donne de ses nouvelles. Il ne lâche rien. 6 mois plus tard, une autre nuit de l'ouragan est organisée à Houston, au Texas, le 26 janvier 1976. Au même moment, les deux principaux témoins, Bello et Bradley, se rétractent. Ils disent avoir livré un faux témoignage après un arrangement avec la police, à savoir un abandon des charges contre eux et 10 000 dollars de primes. Mars 76, la Cour suprême de New Jersey casse le verdict. Carter et Artis sont libérés sous caution. Il y aura un second procès. C'est en décembre de la même année que s'ouvre ce second procès. Et là, coup de théâtre, Bello change une nouvelle fois sa version. Le soir du triple meurtre, il a bien vu Carter et Artis dans le bar. Et une nouvelle fois, le jury condamne les deux hommes à la prison à perpétuité. Des illusions cruelles, insupportables pour les deux hommes qui auront retrouvé la liberté 6 mois seulement. Nombreux sont ceux qui pensent Carter perdu définitivement. Le soutien des personnalités, l'engouement médiatique, tout cela commence à s'essouffler. Mais Robin Carter ne perd pas espoir. Il a perdu un deuxième round contre la justice, mais il poursuit le combat, aidé en cela par un jeune avocat noir canadien, Leslie Martin, qui va tout faire pour obtenir sa libération. Le 22 décembre 1981, son ami John Artis est mis en liberté conditionnelle. Carter, lui, étiqueté comme dangereux, reste derrière les barreaux. Mais il continue de s'appliquer une discipline stricte et il refuse tout ce qu'il peut, comme il l'explique dans cette interview en 2010. Quand j'ai été emprisonné, j'ai refusé de me comporter comme un coupable. Je refusais de porter l'uniforme. Je refusais de manger leur nourriture. Je refusais de travailler. J'aurais refusé de respirer l'air de la prison. Novembre 1985, Cour fédérale de district. Cela fait 19 ans maintenant que Robin Carter est en prison. Ce jour-là, c'est un peu son dernier espoir. Le travail acharné avec Leslie Martin et ses autres soutiens pour revenir sur sa condamnation a fini par payer. Un juge fédéral a examiné son dossier. Son nom, Haddon Lee Sarokin. Et son jugement est sans appel. Il estime que l'accusation s'est fondée, je le cite, sur le racisme plutôt que sur la raison et sur la dissimulation plutôt que sur la transparence. Selon lui, l'État du New Jersey s'est basé sur des preuves douteuses. les témoignages de Bello et Bradley, bien sûr, et cette police en a dissimulé d'autres. Autrement dit, Robin Carter est libre. L'information est diffusée sur France Inter. Enfin, cette nouvelle qui nous vient des États-Unis. Robin Hurricane Carter a retrouvé la liberté grâce à la décision d'un juge du New Jersey. Cet ancien boxeur noir américain qui a passé 18 ans derrière les barreaux pour une affaire de meurtre a toujours proclamé son innocence. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il a pourtant été rendu célèbre par une chanson de Bob Dylan, Hurricane, un tube de l'année 1975. Dylan avait pris la défense de Robin Hurricane Carter. 1993, Las Vegas. Robin Carter reçoit un titre honorifique de champion du monde de la part de la WBC en smoking une pape. L'ancien enfant, complexé par son bégaiement, se lance dans un discours pour remercier ceux qui l'ont aidé à sortir de prison. Bob Dylan, Mohamed Ali, Joe Frazier, la liste est longue. Cela fait 10 ans maintenant qu'il est sorti de prison. Il est désormais complètement innocenté, habite au Canada et se bat pour combattre les erreurs judiciaires et la peine de mort. 20 ans plus tard, en 2014, il meurt à l'âge de 76 ans. Il aura passé un quart de sa vie en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, victime du pire crime raciste qui soit, celui perpétré par des uniformes, on l'a vu encore récemment aux États-Unis, et par des hommes de loi capables d'influencer des jurés au discernement douteux et tous blancs. En 2016, Bob Dylan, lui, reçoit le prix Nobel de littérature. Ainsi, l'histoire de Robin Carter rentre un peu plus dans la légende, et surtout avec ce refrain « Here comes the story of the hurricane ». Voilà l'histoire de l'ouragan, l'homme que les autorités sont venues inculper pour un crime qu'il n'a jamais commis. Ils l'ont jeté en prison alors qu'un jour, il aurait pu être le champion du monde. Here comes the story of the hurricane. Champion of the world. Three bodies lying near this paddy seat, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stopped. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Bon, on a un peu coupé la parole de Bob Dylan, mais si on avait continué la chanson, on serait dans Zoom Zoom Zen. Notre invité aujourd'hui pour parler de Hurricane Carter, Jean-Philippe Lustig, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour. Journaliste bonjour, sportif, bonjour. Spécialiste de la boxe et auteur de l'ouvrage Le Grand Livre de la boxe, publié en 2019 chez Marabout. Alors c'est vrai que Bob Dylan a héroïsé un peu Hurricane Carter. Enfin, c'est pas un ange non plus. Non. Maintenant, il a magnifié vraiment l'histoire de ce boxeur. L'injustice est réelle, bien entendu. C'est horrible de rester près de 20 ans en prison pour un crime qu'on n'a pas connu. Abominable, c'est la pire des choses. Oui. C'est la pire des choses, surtout dans cette Amérique raciste, là où dans ces années 60, il y a eu de telles tensions raciales entre donc ces communautés blanches et les noirs. Reuben Carter en est la victime. Après, quand je disais qu'il a magnifié son histoire, c'est que c'est un boxeur atypique. Dans la catégorie des poids lourds, ce qu'il n'est pas, c'est donc un poids welter moyen, lui. Donc ça veut dire que son poids est entre 66 kg et 72 kg. La catégorie reine, dite celle des poids lourds, très souvent sont arrivés au plus haut niveau des boxeurs qui sont arrivés très tard sur un ring. À 18, 20 ans, qui ont commencé la boxe, c'est assez incroyable, sans qu'il y ait un parcours amateur. Il y en a eu de très nombreux dans l'histoire de ce sport, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, voire en Europe, même en France d'ailleurs. C'est assez intéressant. C'est pas un ou deux noms connus extraits de cette mouvance-là, on peut dire De cette mouvance-là, Jack Dempsey a commencé la boxe tardivement, qui a été le roi des années 1920, et qui était l'adversaire de Carpentier dans un combat du siècle de juillet 21. Et en revanche, dans les petites catégories, celles des poids welter, des poids moyens, c'est quelque chose de rarissime. Et lui commence la boxe donc, comme on l'a magnifiquement expliqué donc, dans l'histoire, à l'âge de 17 ans. Welter, ouais. À l'âge de 17 ans, en prison, et devient pro à 21 ans. C'est quoi la boxe de Carter? D'abord, il y a un look. En 1961, quand il passe pro, il a donc 24 ans, ce qui est tardif pour passer professionnel. Bien sûr. Il est chauve. Il n'y a pas de boxeur chauve à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est classique. Benny Briscoe, par la suite, en poids moyen, marquera les esprits quelques années plus tard, mais il n'y a pas de boxeur chauve. Il y a donc cette attitude incroyable. Il mesure 1m73. Il fait, donc je disais, entre 67, 68, 69 kilos. Il a une allonge d'1,83, ce qui veut dire donc qu'il a de grands bras, de grandes mains. Il a un crochet gauche magnifique. Là encore, dans la narration, on en a parlé. C'est un crochet gauche magistral, avec une puissance. Il a une attitude très relâchée. Il respire la boxe. Mais ouais. Ce n'est pas un surdoué, en raison justement de son arrivée tardive sur les rings, concours de circonstances à l'armée. Et son passage pro à 21 ans. Et lorsqu'il fait ce combat-là, qui est un combat très important, donc en 1963, devant Emile Griffiths, catégorie poids welter. Griffiths est tenant du titre champion du monde de cette catégorie à 66 kilos. Il est plus lourd de 2,5 kg. Ils ont trouvé un arrangement sans qu'il y ait le titre en jeu. C'est pour ça qu'il ne perd pas. Voilà. Je disais, voilà. Par rapport à des règles de la boxe, c'est un peu compliqué, mais là on comprend mieux. Voilà. Parfait. Et donc, il y a un combat. On pense que ça va être un combat relativement facile pour Griffith, tenant du titre depuis un an de ces catégories des welter. Et lui est le boxeur qui monte à la catégorie des moyens. En gros, il y a un boxeur qui est un vrai welter, un vrai, donc à 66-67, et un qui est un petit moyen à 69 kilos. Il est plus lourd d'ailleurs de 2 kilos. Et au premier round, là encore, il le met KO en 2 minutes 13. Et là, il se fait connaître. Et là, on le voit d'ailleurs, même aujourd'hui, le match est encore accessible sur les différentes plateformes, c'est génial, et on voit cette puissance qu'il dégage, ce crochet gauche, et magistralement, il le bat. Griffith, lui, sera encore champion du monde un an et demi plus tard. Alors, est-ce qu'on peut dire, on va aller dans l'Uchronie, mais he could be the champion of the world, il ne pourra jamais être champion du monde à cause de ses problèmes judiciaires, mais s'il n'a pas eu de problème judiciaire, est-ce qu'il avait, selon vous, spécialiste de la boxe, la dimension pour être un champion du monde, franchement? Lorsqu'il dispute le championnat du monde, un an plus tard, contre Joe Giardello, on l'a encore expliqué, oui. Il perd au point. Première fois qu'il boxait en 15 rounds. Le match, donc, se déroule à Philadelphie. Donc, il n'y a pas de KO. C'est équilibré comme match, quoi. Oui, c'est un combat équilibré. On peut donner la victoire à Carter qu'on peut la donner à Giardello, qui est le tenant du titre à 34 ans, qui a 128 combats, alors que l'adversaire n'en a que 24. Et il est frais. Il manque encore de métier. Donc, c'est une sorte de diamant brut, mais qui n'a pas le vécu, l'expérience. Et il est battu. Alors, on va pas dire qu'il est volé, mais c'est une décision un peu décevante. Mais à partir de là, alors que ça aurait dû lui permettre, lui qui était depuis 2 ans auparavant, donc parmi les meilleurs boxeurs de sa génération, dans les classements officiels qu'avait créé la revue The Ring, qui est la revue référence, qui était donc la bible de la boxe, elle classait tous les boxeurs par catégorie. Et Carter a été pendant 3 ans l'un des 10 meilleurs poids moyens au monde, mais pas le numéro 1. Et donc cette possibilité mondiale qui s'offre à lui, il ne la saisit pas, il est battu. Voilà, il va toucher d'ailleurs environ 30 000 $, c'est une très belle bourse pour ce combat-là. Et au lieu ensuite que ça lui serve de tremplin, malheureusement par la suite, il va perdre un combat sur deux. À l'arrivée, 7 victoires, 7 défaites, 1 nul, jusqu'à son ultime combat en août 66, donc pendant 2 ans. Carrière très courte, dense, qui ne dure que 5 ans. Et malheureusement, pour la raison que l'on connaît, donc, avec ce drame absolu à Lafayette dans ce bar-là. Et donc, la carrière, elle est courte, mais... À l'arrivée, il a seulement 40 combats, 29, combien de victoires? Il a 29, 19 gagnés avant la limite, 12 défaites, 1 nul, pour vous donner une idée. Ouais. Mais, simplement, son histoire, le look, ce crochet gauche ont marqué. Est-ce qu'il aurait été le champion du monde de cette génération? S'il avait une autre possibilité, peut-être, mais ce n'est pas le meilleur poids moyen de cette période. Et est-ce qu'on aurait continué à parler de lui s'il n'avait pas eu ses ennuis judiciaires? Probablement pas beaucoup, hein, parce qu'avec un palmarès comme ça, sans être champion du monde, un combat perdu sur deux, il n'aurait pas inscrit son nom en lettres d'or dans la légende de la boxe. Bon. Non, certainement pas. Vous savez que peut-être que les passionnés de boxe qui écoutent Inter et qui ont une belle mémoire et qui étaient présents en 1965 se souviennent que Carter est venu au Palais des Sports. Il est venu en France. Mmh. Il a boxé contre Fabio Bettini, qui était un Italo-Français, italien, qui a été naturalisé. D'ailleurs, le Français a été battu avant la limite. Donc, on est un an après le championnat du monde perdu devant Giardello. Et il va boxer à l'étranger, comme cela. Il va boxer à Johannesburg, il va boxer à Londres. Et son ultime combat, il est en Argentine, à Rosario. Qu'il perd d'ailleurs. Son ultime combat en août 66. C'est quoi le match du siècle? Il oppose qui et quand? On pourrait dire tous les 10 ans, il y a un combat du siècle. Ça veut dire que depuis un siècle, il y en a eu une petite dizaine. Le premier est celui qui va opposer Jeffries à Johnson. Nous sommes donc en 1910. Jack Johnson, premier noir champion du monde des poids lourds. Jack Johnson, haï par l'Amérique blanche, rencontre Jim Jeffries. D'accord. Il y a le match Dempsey contre Carpentier, notre grand Georges, grande figure. Ça, c'est année 20, ça. Héroïque, année de 1921. Mm-hmm. Et puis, on se rapproche, le Ali Frazier, du 8 mars 71. Au Madison Square Garden. Voilà. Alors, figurez-vous que moi, je connais rien à la boxe. Mais celui-là, j'étais tout gamin. Je l'ai vu. Allez savoir pourquoi, ce match m'a fasciné. Je me souviens de Joe Frazier, qui boxait tout en uppercut, la tête baissée. Ouais. Et Mohamed Ali, qui semblait emprunté, plus grand, mais qui semblait emprunté, et je crois qu'il perd. Il perd au point, première défaite, première fois que deux poids lourds invaincus se rencontrent pour le titre mondial. Ça a été retransmis dans 300 pays, il y a eu des recettes extraordinaires, c'était en audiovision le premier combat avec mais c'est pour ça qu'on l'a vu en France. Mais voilà, et Frazier met au tapis au 14e round. D'ailleurs, Norman Mailer avait parlé du crochet gauche céleste, d'un coup céleste. Et Frazier envoie au tapis Ali. Cassius Clay est devenu Mohamed Ali, est-ce que c'est le boxeur du siècle? Oui, par sa dimension justement sociale. Par la dimension politique, par le rôle qu'il a joué. Oui. En termes de valeur pugilistique, non. Jamais on a vu un poids lourd avoir cette coordination, ce coup d'œil, cette aisance et boxer comme il l'a fait. Ça a marqué les générations et ça marque encore les générations. Il n'a aucun équivalent. Mais la dimension politique de l'homme, le courage qu'il a eu lorsque seulement en 1967, à 25 ans, il décide d'arrêter sa carrière parce que ce que font les États-Unis ne correspond pas à ses convictions. C'est un courage monstre. Imaginez un athlète au plus haut niveau qui, pour des raisons politiques, intimes, culturelles, religieuses, décide d'arrêter sa carrière. C'est l'histoire d'Ali. Voilà. Bien, merci infiniment Jean-Philippe Lustig. C'est la deuxième fois que nous vous recevons. Évidemment, si on traite une histoire de boxe la prochaine fois, vous reviendrez avec votre livre de 2 kilos, le grand livre de la boxe. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci, au revoir, à bientôt. Bye bye.